On recommence la chanson. I restart the song. Just a minute. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux quand nous étions amis. Merde. Oh, attends. Okay, Tommy, it's good. Okay. Ah oui, ça. It's a song with Jacques Prévert, lyrique. You know Jacques Prévert? Oh putain, je sature à fond du coup. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux quand nous étions amis. Dans ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil brûlant aussi. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu m'as chantée. Come on! Ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Et la vie, c'est par ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit. Sur le sable, les pas des amants Thank you. And now I'll play the song without singer, just for you to play a solo. Okay? I restart the song without singer. Ready? Just a minute. I restart the song just for solo. I want a guitar song.